Let's go! Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Comme chaque dimanche soir pour Rail Suprême, il est là. Il est là toujours. Il est fort. Oui. Il est de retour dans Rail Suprême. Pas plus fort que toi. Non. Je sais. Je te filerai un peu de ma potion magique. Rail Suprême alors. Ça va C'est parti pour Rail Suprême. Bah, en effet, oui. DJ Kayz est là. Une heure d'ambiance de folie. Une heure d'ambiance de dingue avec des extraits peut-être ce soir encore ou encore pas de... Peut-être, oui, je vais voir. Puisque tu sais, lors des émissions, on improvise un petit peu. Donc on se met en mode soirée. Donc on enchaîne et puis on voit qu'est-ce qu'on donc met. Donc tout dépendra de l'ambiance. Tout va dépendre des tweets. Si tu vois les gens, la France entière se soulever. C'est ça. Si tu iras de plus en plus loin. Hashtag Rail Suprême, j'enchaîne. Et bah allez-y, balancez le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. DJ Kayz est au contrôle et c'est parti pour une bonne heure maintenant. Allez. Coup d'envoi. Dimanche soir. Minuit, 1h. C'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. J'arrive à bord du porte-avions Jazz Houston record. Trop vrai, trop hardcore. La calache va encore cribler tout le décor. J'ai du fond dans le chargeur, ils en ont dans le corps. À chaque apparition, ils en redemandent encore. Chicha, gros boule, Grégoule, à ma table avec DJ Kayz. En showcase sur n'importe quel pitch, tu n'as pas ta bang. Fais péter la voix du DZ. Filon de pervers de vodka. C'est pour mes Bailey et mes chers Winness Wahran jusqu'à Casablanca. Ramadan, je me barre au plein. 36.3 Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde est hors d'elle. C'est le mariage du cousin voisiné dans le cortège. Port de mer, créature de rêve. Allongé sur le sable, couché de soleil. Nique sa mère, soir j'ai pas sommeil. Mais une folle envie de cramer tout mon dos. Ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Moi j'kiffe pas trop le champagne. Skyrock, la Rail Suprême. Qui sort du bal. De Bruxelles, Metz, Orléans, Lyon, Marseille jusqu'en Espagne. Sunny,

صاحبي مهمة فيكيتي فيكيتي على جيت ملهي فيكيتي وفيكيتي على جيت ملهي خويا شوف أكوارا هلّا بمبيا حسارة خويا شوف أكوارا اليوم بعتي برخص

Le dimanche soir avec DJ Kayz, il est là comme chaque dimanche soir, il est aussi près de chez vous régulièrement. Eh oui. Alors quel est le petit point soirée? Ce vendredi, je serai pas près des Français, mais plutôt en Hollande. Alors je suis. Il y a énormément. Et apparemment, il y a beaucoup d'Hollandais qui nous écoutent. Bah on salue la Hollande et on aime beaucoup leur pays. Exactement. Donc entre Amsterdam et Rotterdam, je serai au club No Limit, c'est vendredi 17 avril et samedi 18 avril du côté de La Roche-sur-Yon, donc en Vendée, c'est ça. Et c'est au club 36. Voilà, club venez 36 nombreux. Pour la semaine prochaine. Mm-mm. Et la Hollande, également l'autre pays du fromage, avec DJ Kayz, qui est aussi tous les dimanches soirs sur Skyrock entre minuit et 1h du mat. On est reparti? Allez, on y va. Nouvelle session maintenant. Toute la journée sur Skyrock. Let's go. Retrouve tous tes rendez-vous préférés. De 6h à 9h. The Morning Show. Le Morning de Difool t'offre 1 500 € cash. De 9h à 20h. Prends un son d'avance avec les meilleures nouveautés. Cette foutue mélodie. Avec ton kit CD rap français et rappé R&B US. À 20h. Planet Rap reçoit Cayenne. Et à 21h. What the fuck. Difool revient en direct pour la plus grande radio libre de France. Skyrock. Du son, du cash et toujours plus de déconnes en direct. Si t'avais un super pouvoir, tu choisirais quoi? Je suis trop timide pour dire je t'aime. Ma prof de maths pue de la gueule. J'ai embrassé le mec de ma meilleure amie. Écoute ton cœur, pas ta raison. Dis ce qui te passe par la tête. Tout ce qui te passe par la tête. En toute liberté. YAX. Y-A-X. Télécharge sur ton mobile. Vite.

donne les numéros. Non mais attends, ce que tu crois, je vais te passer mon numéro, sale blédard. Mais allez, casse-toi la barre. Attends.

اهلي بنهاي كارتيه شيك وزي حتى كلاس سي لا فيل حوس بيك في دبي سير اهلي بنهاي كارتيه شيك وزي حتى كلاس سي لا فيل étrange game. Sorti moi calé. J'entends à rater des hommes. Ça finit au palais. Famille en pleurs des hommes. Trop de mise qui me pisse autour de la piste. Vite fait oublie. Vite y'a embrouille. Nique les videurs. Même eux c'est des fils. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Zama, zama. Profitez des moments de joie. Zama, zama. On ne vit qu'une fois.

Skyrock. Justin Record. C'est déjà la fin de ce Rail Suprême. Ah, on s'est bien éclaté. Hein. Bien marré, du ouais, bon son, du on bon a passé son. Une bonne heure. Ah, oui. Certains sont déjà aussi en vacances, donc on peut en profiter tard. Bonnes vacances à et ceux bah, qui... Bonnes vacances. C'est la zone B ou C ou A, je sais pas. Ouais, c'est une des zones, en tout cas, c'est la guerre des zones à chaque fois. Ouais, c'est ça. Mais c'est la zone A. Voilà. Zone A. Alors. Zone A, bravo à la zone A qui est en vacances, profitez-en. Mm-hmm. Et puis les autres, ça arrive aussi. Tu seras là la semaine prochaine, Kaïs ? Dimanche prochain, entre-temps, je suis vendredi 17 ouais. avril, donc c'est en Hollande pour tous les Hollandais qui nous écoutent, c'est au club No Limit, entre Rotterdam et Amsterdam, et le samedi 18 avril, en Vendée, à La Roche-sur-Yon, au club 36. Et vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Facebook DJ Case et Snapchat, Twitter, Instagram DJ Case Paris. Et bon, on te suivra DJ Case pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bah ouais. Et rendez-vous dans une semaine. Ciao, ciao. Allez, ciao. Bonne soirée à vous tous. Le son sur Skyrock, c'est reparti. Here we go.